Un fait que je ne puis vous taire, c'est l'unanimité de la presse locale sur ce point. Je cite: Il n'y aura plus d'exécution à mort dans ce pays. L'échafaud n'y sera plus toléré. La chronique de Jersey du 11 février ajoute: Le supplice a été plus atroce que le crime. J'ai peur que, sans le vouloir, vous n'ayez aboli la peine de mort à Guernesey. Je livre en outre à vos réflexions ce passage d'une lettre que m'écrit un des principaux habitants de l'île. Je cite: L'indignation était au comble, et si tous avaient pu voir ce qui se passait sous le gibet, quelque chose de sérieux serait arrivé. On aurait tâché de sauver celui qu'on torturait. Je vous confie ces criailleries.